garde pour noyer sa peine. Il a cédé du vin clair et revenait par la nuit sereine. Le firmament resplendissait, les étoiles étaient en fête, et Pierre aussi seul se disait, disposa en levant la tête. Bonsoir, madame la lune, bonsoir. Bonsoir, madame la lune, bonsoir. C'est votre ami Pierrot qui vient vous voir. Bonsoir, madame la lune. Rentrez dès jeudi d'abondance, déchassez quand on la termine, et j'ai peur, oui peur à présent, du logis froid, désormais vide. Je vais là comme un indigent, m'endormir au vent qui frissonne, bercé par vos rayons d'argent, et rêver, je te dis pardon. Bonsoir, madame la lune, bonsoir. Bonsoir, madame la lune, bonsoir. Hier est encore, je veux venir me voir.